Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. On l'appelle l'Amazone du Liban. Yaha ! Sur son cheval noir, Lady Esther Stanhope galope à travers le désert. Au fond de ses pupilles défilent mille collines, mille rivières, mille cités de l'Orient. Les majestueux cèdres du Liban, les sommets enneigés des montagnes du Chouf. Toutes ces merveilles, cette grande voyageuse anglaise les a vues. Lady Stanhope a tout fait. Elle a résisté aux tempêtes, à la peste et au froid. Elle a traversé des déserts. Elle a été chercheuse d'or et même reine de Palmyre. Rien ne peut l'arrêter. Oh, waouh ! Audacieuse, séductrice, drôle, colérique, orgueilleuse, Lady Stanhope se prend pour un soleil. Je suis la perle, le lion, l'étoile, la lumière céleste. De temps en temps, oui, c'est vrai, elle est un chouïa frappadingue. Es-tu prête? Es-tu prêt? Nous embarquons pour un fabuleux voyage qui nous conduira de l'Europe aux portes de l'Orient. Palmyre, Damas, toutes ces cités magnifiques, mystérieuses, légendaires, nous allons les fouler du pied. Ou de la main, si tu avances en faisant le poirier. Attention, là où nous nous rendons, le soleil tape fort, le mercure va grimper. J'espère que tu as pris ta gourde. Comment? Moi? Oh, ne t'en fais pas, je n'en ai pas besoin. J'en suis déjà une de gourde. Allez, c'est parti. Yahoo! Lady Stanhope est une comète, mais elle ne tombe pas du ciel. Nous sommes dans le Kent, une région du sud-est de l'Angleterre. C'est l'année 1785. Il fait un froid de canard. La campagne est blanche. Elle a revêtu son petit manteau de neige. Esther habite à un grand château de pierre rose. Ici, oui, c'est vrai que c'est magnifique, mais oh, il ne se passe absolument rien. La petite s'ennuie. Dieu, que ce monde est triste. À 9 ans, elle fugue. À bord d'une petite barque, elle tente de traverser la Manche. Elle veut gagner la France. Là-bas, le peuple est en train de faire la révolution. Tout est possible au pays de la liberté. Hélas, des marins la rattrapent. Son cœur saigne de rage. Esther a un oncle. Cet oncle s'appelle William Pitt. Il est premier ministre d'Angleterre. La jeune femme a désormais 27 ans, elle habite avec lui. Très vite, elle se passionne pour la vie politique. Le pouvoir, ça stimule! Esther aide son oncle à gouverner. Les notes aux ministres, c'est elle qui les écrit. Les officiers, c'est elle qui les choisit. Lady Stanhope dit haut et fort ce qu'elle pense, elle n'a pas la langue dans sa poche. Attends une petite seconde. Si elle n'est pas dans sa poche, sa langue, mais où est-elle? Ah, suis-je bête, c'est vrai. C'est une expression. Une expression de la langue. La vie, hélas, nous joue parfois de vilains tours. En 1806, William Pitt, son oncle chéri, meurt. Bouleversée, Esther tourne en rond, elle étouffe. Le monde ressemble à un vieux buffet. Quand on ouvre les portes, ça pue le moisi à l'intérieur. Une nuit d'orage, striée d'éclairs, elle a une révélation. Ma vieille, tu n'as pas le choix. Il faut partir. Le 10 février 1810, son bateau quitte l'Angleterre. Adieu, maudit pays. Lady Stanhope veut aller loin, vers le sud et peut-être même, oui, pourquoi pas, à l'est, en Orient, où le soleil se lève. Elle veut découvrir qui elle est. Esther traverse la Méditerranée. Elle passe par Gibraltar. Elle visite la Grèce, la Turquie. Son cœur palpite. Les couleurs, les lumières, les odeurs. Tout est un enchantement. Sur l'île de Malte, au sud de l'Italie, elle tombe follement amoureuse. Il s'appelle Michael Bruce. C'est un jeune Anglais, charismatique, richissime. Elle a 34 ans, lui, 23. Entre eux, c'est le coup de foudre. Bruce veut l'épouser. Dis donc, mon poulet, t'aurais pas mieux à me proposer? Esther a beau l'aimer à la folie, elle refuse. Elle tient à sa liberté. Diable, après tout, c'est pour ça qu'elle a tout quitté. Les deux amants voyagent ensemble depuis maintenant 18 mois. Ils décident de s'aventurer un peu plus loin. Plus loin, qu'y a-t-il? Pardi, mais l'Égypte, le pays des fameux pharaons. Ils partent en bateau. En automne, la Méditerranée est magnifique. Michael, regarde! Sous le soleil, la mer ressemble à une immense étendue d'or. Profitez, mes cocos, profitez! Cette traversée, vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Très vite, le navire affronte des vents violents. Le ciel est déchiré d'éclairs. La mer gonfle, elle crache, elle remue. Ah ça, quand les vagues ont décidé de danser le tcha-tcha-tcha, il faut s'accrocher. Le tonnerre gronde, les voiles se déchirent, le bateau fait naufrage, il coule. Hasta la vista, bébé. Canot de sauvetage, ils pagaient de toute leur force jusqu'à atteindre un minuscule rocher. Frigorifiée, Lady Stanhope tremble comme un grelot de Noël. Perdue au milieu de nulle part, sa vie ne tient plus qu'à un fil. Peu cher, en dire qu'elle a quitté sa famille, son pays, pour en arriver là. Esther, pardon, tu as dit quelque chose? Parle un peu plus fort, nous ne t'entendons pas. Rien. Je ne regrette rien. Je préfère encore crever ici comme un vieux ballon plutôt qu'avoir les fesses chaudes en Angleterre. Entendu. C'est bien noté. Hey, psst, psst. Bah, elle débloque un peu, non? Deux jours plus tard, les secours arrivent enfin. Lors du naufrage, Esther a tout perdu. Ses vêtements, ses affaires, son argent. Tout ce qui lui restait de l'Angleterre a disparu. Quelque chose de farouche, de furieux s'est allumé dans ses yeux. Lady Stanhope a changé. Adieu jupons, rubans et autres corsets trop serrés, elle s'habille désormais comme les hommes turcs. Bonjour sarouel, babouche, turban, waouh, quelle allure! Enfin débarqués en Égypte, Bruce et Esther descendent le fleuve Nil. Dans son nouvel accoutrement, Esther étonne. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder? Ils ont jamais vu une aventurière? Puis, ils décident de poursuivre leur chemin plus à l'est. C'est en Syrie, mon cher Michael, que nous devons maintenant nous rendre. Esther, évidemment, a une idée en tête. Ou plutôt, un rêve. Elle veut se rendre à Palmyre. Palmyre? La cité perdue au milieu du désert? L'ancienne capitale de la grande reine Xénopie. Mamma mia, c'est du délire. La route est terriblement dangereuse. Oui, mais... elle serait la première femme européenne à entrer dans la ville. Quel exploit! Lady Stanhope y arrivera-t-elle? Je précise, hein, sans finir sa vie découpée au sabre comme un saucisson. Nous verrons. Thank you. Pour l'heure, le couple traverse les montagnes libanaises. Dans la région du Chouf, ils font escale au palais de Beit Eddin, où vit Béchir Shehab, l'émir des Druzes, une communauté musulmane née autour de l'an 1000. Extrêmement méfiant, Béchir Shehab ne laisse habituellement pas entrer les Européens dans son palais. C'est un homme extrêmement cruel qui fait goûter tous ses plats avant de les manger de peur de mourir empoisonné. C'est clair, il n'a pas la conscience tranquille. Son sabre est rougi par le sang. Lady Stanhope n'a pas peur. Elle le trouve même absolument charmant. Oh, quelle femme étonnante! Pour elle, il fait une exception. Il lui ouvre son palais. Ensemble, ils discutent de longues heures allongés sur de grandes banquettes en fumant le narguilé. Béchir Shehab lui parle de la religion de son peuple. Nous, les Druzes, croyons que chaque homme est une petite pièce de la grande roue de Dieu. Pour nous, il n'y a ni enfer, ni paradis. Lady Stanhope écoute, fascinée. Et maintenant? Eh bien, direction Damas, une superbe cité située encore plus à l'est. Lady Stanhope sait qu'elle ne peut y entrer habillée en homme, et encore moins le visage découvert, car toutes les femmes de la ville se couvrent la figure d'un voile. Par audace, par provocation, elle entre la tête nue. Comment les habitants vont-ils réagir? Eh bien, ma foi, ils l'acceptent. En vérité, ils sont même assez impressionnés par cette femme qui monte à cheval comme un as et qui manie les armes. Esther se sent bien à Damas. Elle apprend l'arabe, elle mange et vit comme les habitants, elle fréquente les mosquées. Je me déchausse et entre dans le plus grand respect. Personne ne voit rien de mal. Très vite, des rumeurs circulent à son sujet. Est-elle une femme? Est-elle un homme? Elle passe même auprès de certains pour être magicienne. Parce qu'elle transgresse tous les interdits, parce qu'elle n'a peur de rien, elle fascine. Esther jubile. J'ai tant d'énergie! Mon pays est l'univers! Gonflé à bloc, il est temps pour elle de se rendre à Palmyre. Michael, très inquiet, tente de l'en dissuader. Esther, mon ange, c'est de la folie. Nous allons nous faire attaquer. Lady Stanhope ne flanche pas. Je saurai imposer le respect. En revanche, j'ai peur pour toi, ma sauterelle. Fais bien attention. Allez, c'est parti. Le couple traverse le désert de Syrie, accompagné par 70 chameaux chargés de provisions. Esther adore le désert. Les nuits sont silencieuses, noires, magnifiques. Et puis, les humains se retrouvent seuls, face à eux-mêmes et aussi leur courage. Il faut supporter la faim, la soif, la fatigue. Et bien sûr, la peur des brigands. D'ailleurs, mais où sont-ils? Incroyable! Depuis le début, le voyage se déroule comme sur des roulettes. Bon, tant mieux pour eux, mais entre nous, j'aurais bien aimé un peu d'action! Le 28 mars 1813, Palmyre apparaît dans le soleil couchant. La cité tient toutes ses promesses, et bien plus. L'accueil des habitants est spectaculaire. Sous un arc de triomphe, devant de valeureux guerriers, on pose une couronne de fleurs sur la tête de Lady Stanhope. Les habitants crient « Maliki, Maliki !» ce qui signifie « la reine ». Tous sont venus saluer son courage. Esther est la première femme européenne qui a osé s'aventurer jusque-là. Elle a 37 ans, ses yeux brillent d'un éclat fabuleux. Je suis la reine de Palmyre, car je suis reine du désert. Mais vite, la situation est en train de tourner vinaigre. Des tribus ennemies sont à l'approche. Ah, enfin un peu d'action! quoi? Mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, zut! Il faut décamper. Bah, tout ça pour ça. Allez, Laure, faut y aller, là. Ok, ok, on y va. Les aventures de Lady Stanhope, évidemment, ne s'arrêtent pas là. De retour à Damas, Michael rentre en Angleterre, Esther, elle, pas de bol, attrape la peste. Cette satanée maladie est mortelle. Esther va-t-elle y passer? Son corps lutte contre la fièvre, elle claque des dents, elle résiste. À peine remise, elle reprend la route. Cette fois, elle veut découvrir le fameux trésor d'Ascalon, une cité très ancienne, située au sud de Jérusalem. Esther dirige des fouilles spectaculaires. Durant de longs mois, la poussière remue au-dessus du sable. On creuse, on cherche. Hélas, pas de trésor. Ah, purée ! Bon, allez, hein, c'est la vie. En 1818, après 8 années de folles aventures, Lady Stanhope se retire du monde. Installée dans un vieux monastère, perchée sur les montagnes libanaises, elle ouvre sa maison aux malades, aux pauvres et à tous ceux qui ont besoin d'un refuge. Ainsi a vécu Lady Esther Stanhope, courageuse reine de Palmyre. Parce qu'elle n'avait peur de rien, parce qu'elle aimait galoper dans le désert, on l'appelait l'Amazone du Liban. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Derrière cet épisode, il y a Hélène Biziot, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret, Basile Bocquer et moi, Laure Grand Besançon. Au fait, mais qui sont les Amazones? Eh bien, ce sont de redoutables femmes guerrières, d'excellentes cavalières qu'on croise ici et là dans la mythologie grecque. Quant à la reine Zénobie, elle régnait sur Palmyre au 3e siècle. Énergique et ambitieuse, elle a tenu tête à l'Empire romain. Tu as envie de prolonger le voyage? Bonne nouvelle! Les Odyssées existent désormais en livre. Retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré. Une coédition France Inter. Si vous avez aimé ce podcast, vous pourriez aussi aimer Les musiques de Molière pour découvrir le célèbre comédien né il y a 400 ans. Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Nous sommes en 1632 et j'ai 10 ans. Dans un peu plus de 20 ans, je deviendrai l'un des comédiens et des auteurs les plus célèbres de mon temps et même, un jour, l'un des dramaturges les plus connus de la planète. Les musiques de Molière, à retrouver sur francemusique.fr, l'application Radio France et le site expodcast.cmbv.fr.